franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la mort de Rémi Fraisse. Le 26 octobre 2014, cet étudiant en biologie, militant écologiste de 21 ans, meurt sur le site de Sivens, dans le Tarn, en marge des manifestations contre un projet de barrage. Dans la nuit, au cours d'affrontements entre une partie des militants et les forces de l'ordre, le jeune homme est tué par l'explosion d'une grenade offensive tirée par les gendarmes. Cet événement dramatique donne alors à la lutte de Sivens une ampleur politique et médiatique retentissante. Le conflit local devient affaire d'État. Pendant plusieurs semaines, tout se mêle. La question des responsabilités des forces de l'ordre, du gouvernement, d'une partie des manifestants, le type d'armes utilisées, les méthodes d'intervention de la gendarmerie et des CRS. Dans le même temps, tous les regards se tournent vers ce projet de barrage. Était-il si nécessaire? Pourquoi a-t-il mobilisé autant d'opposants alors qu'il était accepté par la plupart des représentants politiques locaux et qu'il est défendu par une partie des agriculteurs de la région? La mort de Rémi Fraisse nous plonge donc au cœur de la géopolitique locale, interroge les tensions qui peuvent exister entre l'égalité démocratique et légitimité politique entre intérêts publics et biens communs. Il questionne aussi ces nouvelles formes de lutte localisées, ciblées, baptisées ZAD, acronyme de zone à défendre, qui nécessitent pour l'État de nouvelles formes de maintien de l'ordre. Ces questions, nous y reviendrons en seconde partie d'émission avec Philippe Subra, professeur à l'Institut français de géopolitique, membre du comité de rédaction de la revue Hérodote et auteur de Géopolitique locale, publié en 2016 aux éditions Armand Collin. Il est notre invité. Vous entendrez également un reportage d'Anaël Verzo qui s'est rendu à Sivens à la rencontre de certains acteurs de cette lutte pour établir tout simplement un constat de la situation aujourd'hui. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Mézonome avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Caroline Debray, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Michel Bézikian. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Samedi 25 octobre 2014, près du cours du Tescou, non loin du village de l'Isle-sur-Tarn, dans le bassin de la Garonne, entre les collines boisées et les vallons humides qui bordent la petite rivière, plusieurs milliers de personnes se retrouvent pour manifester. À l'initiative d'un collectif d'associations et de plusieurs partis politiques, dont Europe Écologie Les Verts et le Parti de Gauche, le rassemblement du jour est marqué par la venue de personnalités politiques, comme José Bové ou Jean-Luc Mélenchon. Une présence qui doit donner une importante couverture médiatique à l'événement. Car depuis plusieurs mois, la situation sur le chantier du barrage de Sivens s'est considérablement tendue entre opposants et partisans du projet. Alors, par mesure d'apaisement, le préfet autorise la manifestation. Ben Lefettel, leader du mouvement qui s'oppose au projet depuis plusieurs années, et Yves Matisse, le directeur de cabinet de la préfecture, ont étudié ensemble, dans les jours précédents, l'organisation de l'événement. La veille encore, des affrontements avaient eu lieu entre certains zadistes et les forces de l'ordre, et une cabane avait été incendiée. Dans ces conditions, Yves Matisse prévient Ben Lefettel qu'il y aura finalement des gendarmes et des CRS autour du rassemblement et sur le chantier. Il est 13h ce samedi 25 octobre lorsque Ben Lefettel arrive sur le lieu de la manifestation. Les organisateurs ont choisi un endroit situé à environ 1,5 km du chantier et de la base de vie qu'occupent quotidiennement les manifestants du collectif tant qu'il y aura des bouilles qui, sous la forme d'une ZAD, tentent de bloquer les travaux depuis un an. Tout l'après-midi, la manifestation se déroule dans une ambiance festive entre animation et débats, discussions et pique-niques. Mais vers 16h30, à environ 1 km du rassemblement, du côté de la zone en chantier, des affrontements éclatent entre des manifestants et les CRS. Certains opposants au projet, un peu à l'écart, observent et filment la scène. Vous n'avez pas retenu les leçons de Notre-Dame-des-Landes, j'ai l'impression, messieurs. Ah, mais ça va terminer pareil. Vous allez avoir 2 ou 3 morts, on va parler de vous, et puis ça va repartir pareil, et un jour un politique va dire on arrête tout. C'est dommage que vous n'ayez pas un peu de jugeote. Il y a un colonel là-bas, c'est à lui qu'il faut le lui dire. Après, ça fait des mois que j'ai... Eh bien, ce monsieur, le colonel, il n'a qu'à venir discuter. Hein. Il ne discutera pas, On peut discuter, c'est mieux peut-être que de s'envoyer des projectiles. Je suis permis avec Chose. Il n'est pas là pour discuter. C'est dommage. Ben si, on est toujours là pour discuter. On parce peut toujours... Au-dessus de lui, il y a quelqu'un qui s'est permis, il y a un préfet derrière. Oui, le préfet, il est bien au chaud. Et après, il y a le ministère. Parce qu'ils sont toujours en liaison. Pendant 3 heures, les forces de l'ordre répondent aux cocktails Molotov des manifestants par des tirs de grenades lacrymogènes, de grenades offensives et de flashballs. Finalement, vers 19h, le calme revient sur le chantier pendant que la manifestation touche à sa fin. Les stands ferment, de nombreux participants repartent par bus ou par navette. D'autres restent pour assister au concert qui marque la fin de la journée. Un escadron de gendarmerie est maintenu au niveau du chantier où ont eu lieu les affrontements de l'après-midi. Et c'est ici que vers 00h30, un groupe d'une soixantaine de manifestants envoie de nouveau des projectiles, pierres et cocktails Molotov sur les forces de l'ordre. Et les affrontements reprennent, les gendarmes répliquent, les échanges s'accentuent, la violence s'accroît. Et vers 01h40, une grenade offensive est envoyée en direction d'un groupe de 4 ou 5 jeunes. L'un d'eux s'effondre sur le coup. Les gendarmes récupèrent le jeune homme. En face, les manifestants imaginent qu'il est inconscient et que les forces de l'ordre l'emmènent en garde à vue. Vers 4h, alors que les affrontements cessent, les CRS se retirent. À 9h25, Yves Matisse, le directeur de cabinet du préfet, diffuse un communiqué. Cette nuit, vers 2h du matin, le corps d'un homme a été découvert par les gendarmes sur le site de Sivens. Les sapeurs-pompiers sont intervenus rapidement, mais n'ont pu que constater le décès de la victime. Dans la soirée, c'est au tour du procureur de la République d'Albi, Claude de Reims, d'annoncer la nouvelle. S'il est trop tôt pour affirmer son rôle exact au sein du groupe d'opposants à la construction du barrage de Sivens, il faut rappeler qu'au cours de la nuit dernière, une centaine d'opposants violents a voulu en découdre avec les forces de l'ordre. Le temps de l'enquête commence. Il est aujourd'hui impossible de vous répondre sur les causes de la mort de Rémi Fraisse et une autopsie est prévue demain à 13h30 à l'Institut de médecine légale de Toulouse. Je pourrai ensuite donner plus d'éléments sur l'origine du décès et vous donner mon orientation d'enquête. Ce dimanche 26 février 2014, sur le site du barrage de Sivens, dans le Tarn, un homme est mort. Il s'appelait Rémi Fraisse. L'annonce du décès d'un manifestant braque immédiatement les projecteurs sur ce projet et la valse des questions commence. Que s'est-il réellement passé au cours des affrontements de la nuit? Qui est Rémi Fraisse? Comment est-il mort? Comment a-t-on pu en arriver là? Dans les heures qui suivent le drame, c'est la confusion. Le procureur Claude de Reims annonce que les forces de l'ordre n'ont pas pu retourner sur les lieux du drame pour les constatations techniques. La situation y est particulièrement tendue et les manifestants empêchent toute approche. On remarque également que le sac à dos de Rémi Fraisse, resté sur place, a disparu. Pendant ce temps, les journalistes se rendent à Sivens pour entendre les manifestants, leur version des faits et essayer d'en savoir plus sur Rémi Fraisse. Et c'est le père du jeune homme qui apporte les premiers éléments. Semble-t-il, il est resté effectivement le soir. Là, il y a eu des violences importantes et il est parti un peu au combat, quoi. Hein, semble-t-il, au milieu de tout ça, alors que il n'était pas, je pense, préparé, qu'il n'avait pas ni casque ni quoi que ce soit pour le protéger. Et je lui avais dit de faire très attention, d'être très prudent, comme tous les pères. Le portrait de Rémi Fraisse se dessine au fil des témoignages et une couleur domine, celle de la discrétion et de l'amour de la nature. On découvre un jeune homme de 21 ans, étudiant en biologie, passionné par la botanique, militant écologique dans l'association France Nature Environnement, traditionnellement pacifique et ouverte au dialogue. On ne connaît pas au jeune homme d'affiliation à un parti ou à un mouvement. Au fil de la journée du 25 octobre et de la manifestation, Rémi avait discuté tout simplement ou y échangé avec de nombreux manifestants et zadistes pour en savoir plus sur l'organisation de la lutte à l'échelle locale. Rémi Fraisse aurait été réputé violent ou habitué des affrontements, ça n'aurait rien changé. La mort d'un manifestant est toujours un échec pour les forces de l'ordre et pour la démocratie. Mais l'image renvoyée par ces premières informations sur le jeune homme renforce la colère et l'incompréhension des opposants au projet. Dans l'attente des premières avancées de l'enquête, cet événement tragique devient l'occasion pour les journalistes de s'intéresser à un projet, à une lutte qui jusqu'à présent était restée limitée aux sujets régionaux. Ainsi, Ben Lefeté, à la tête du collectif Testé, prend la parole pour dire ce qu'il sait du drame de la veille, mettant clairement l'état en cause. Ce qui semble clair, c'est que ce décès a eu lieu dans le cadre d'affrontements avec les forces de l'ordre. Dans ce contexte-là, il n'est pas clair si la victime était elle-même partie prenante de cet affrontement ou pas, mais c'était bien à proximité du lieu d'affrontement. Donc nous, on va coopérer avec les enquêteurs pour donner le maximum d'éléments. Ça serait donc un jeune d'une vingtaine d'années venant de Toulouse, qui venait apparemment vraiment pas du tout pour affronter les forces de l'ordre. Donc tout ça découle du refus du dialogue du pouvoir public, du conseil général et la préfecture du Tarn depuis plus d'un an. On n'aurait jamais dû avoir de blessés dans cette affaire, on n'aurait jamais dû avoir de morts. Si il est démontré que ce décès découlait de l'attitude des forces de l'ordre, on serait vraiment dans un scandale d'État et avec toutes les conséquences catastrophiques que l'on connaît aujourd'hui. Qu'en est-il exactement du projet de barrage de Sivens? Pour le comprendre, il faut remonter quelques années en arrière. C'est en 2001 que la nécessité d'un tel ouvrage est pour la première fois avancée. Elle est contenue dans une étude du Conseil général du Tarn, menée par la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, dite CACG. Dans cette région soumise à d'importants épisodes de sécheresse, la retenue d'eau doit permettre de soutenir le niveau de la rivière, faciliter l'irrigation pour améliorer la situation des agriculteurs du territoire, dont les cultures de maïs notamment nécessitent beaucoup d'eau. Après plusieurs années d'études, le Conseil général vote le projet par 43 voix contre 3 et une déclaration d'utilité publique est arrêtée en octobre 2013. Cet édifice, d'une superficie d'un peu plus de 12 hectares, pour un coût de 8 millions d'euros, rencontre d'emblée l'opposition d'associations de protection de l'environnement au niveau du département et de la région. Pour ces associations, le barrage détruira la zone humide Testé, réputée pour sa biodiversité. Elle abrite 94 espèces animales protégées, plus de 300 espèces de plantes rares. Au-delà du projet en tant que tel, les associations dénoncent une conception productiviste de l'agriculture. En 2011, les opposants se regroupent au sein du collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testé. À partir d'octobre 2013 et de la déclaration d'autorité publique, ils sont rejoints par des militants altermondialistes réunis au sein du collectif tant qu'il y aura des bouilles, qui commencent à occuper le site et créer la zone à défendre sur le modèle de Notre-Dame-des-Landes. Au cœur de cette stratégie d'occupation, un élément central, le temps. Les opposants au projet ont déposé des recours judiciaires. Et dans l'attente des décisions, ils occupent le terrain pour retarder au maximum le lancement des travaux. Au cours de l'année 2014, la tension monte entre pro et anti-barrage. Les forces de l'ordre tentent à plusieurs reprises d'expulser les zadistes qui parviennent à se réinstaller à chaque fois. Certains opposants lancent des grèves de la faim. Au début du mois de septembre, les travaux de déboisement commencent au milieu des zadistes. Aux premières loges de ce conflit qui s'intensifie, les membres du collectif Testé envoient à la Ligue des droits de l'homme un dossier qui regroupe les plaintes de manifestants sur l'attitude des forces de l'ordre. Cécile Duflo, la députée Europe Écologie Les Verts, se rend sur place et alerte le préfet sur cette montée des violences. Elle craint que la situation ne dérape. On apprend aussi que le 7 octobre, soit 3 semaines avant le décès de Rémi Fraisse, une jeune manifestante avait failli perdre la main après l'emploi d'une grenade de dispersion par un gendarme. Et le 26 octobre, le pire arrive. Rémi Fraisse meurt. Le lendemain, lundi 27 octobre au soir, le procureur de la République d'Albi, Claude de Reims, organise une conférence de presse pour communiquer les résultats de l'autopsie. La plaie importante située en haut du dos de Rémi Fraisse a été causée, selon toute vraisemblance, par une explosion. L'objet à l'origine de l'explosion n'a pas entraîné de flammes. La déflagration a été forte puisque le jeune homme a été projeté au sol de façon violente. Selon le médecin légiste, la mort a été instantanée. Aucune trace de particules métalliques ou plastiques n'a été retrouvée dans la plaie. Le légiste ne peut ni affirmer ni infirmer sur la base des lésions anatomiques relevées que l'origine de la plaie importante proviendrait d'une grenade lancée depuis la zone où les gendarmes étaient retranchés. Tous les journalistes ont relayé l'information concernant une grenade qui aurait été lancée et aurait pu atteindre le jeune homme. Aujourd'hui, aucun élément ne permet ni d'affirmer ni d'infirmer cette possibilité. À Avant même l'annonce des résultats de l'autopsie, la mort de Rémi Fraisse provoque de nombreuses réactions. Dans plusieurs villes, notamment à Paris et Nantes, des manifestations en hommage aux jeunes militants et contre les violences policières sont organisées spontanément. Elles se terminent par endroits en affrontement avec les forces de l'ordre. À Gaillac, la principale ville à proximité du chantier de Sivens, le centre-ville est dégradé. Dans la journée du 27 octobre, de fausses rumeurs essayent de dédouaner les forces de l'ordre. Rémi Fraisse aurait pu porter des engins incendiaires ou explosifs dans son sac à dos et il n'y aurait eu qu'une seule grenade offensive lancée ce soir-là. Face aux événements, tous les regards se tournent vers le gouvernement et notamment le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, dont le silence, 48 heures après le drame, ne passe pas inaperçu. D'anciens membres du gouvernement ou appartenant à la majorité, notamment des élus écologistes, s'attaquent au ministre. Cécile Duflot parle de tâches indélébiles pour le gouvernement. José Bové demande la démission de Bernard Cazeneuve. Après un communiqué le soir du 27 octobre, ce dernier finit par prendre la parole le 28. J'ai indiqué cet après-midi à l'Assemblée nationale et depuis le début de cette affaire que je souhaitais que toute la lumière soit faite, que nous devions la transparence à la famille et je souhaite que nous allions au bout de cette démarche. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé, compte tenu des éléments qui ont été communiqués par le procureur de la République, et quand bien même l'enquête qui a été engagée ne témoignerait à la fin d'aucune faute, d'engager dès aujourd'hui une inspection générale de l'inspection générale de la police nationale et de l'inspection générale de la gendarmerie destinée à déterminer les conditions d'utilisation de ces projectiles dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre. Sans attendre les résultats de cette enquête, dont j'ai souhaité qu'il me soit communiqué sous 15 jours, j'ai décidé aujourd'hui de suspendre l'utilisation de ces grenades offensives jusqu'à ce que les conclusions de cette enquête me soient transmises. Entre-temps, c'est confirmé, il s'agit bien d'une grenade offensive. Le ministre de l'Intérieur annonce donc la suspension immédiate de l'utilisation de ce type de grenade. Face aux critiques, Bernard Cazeneuve se défend parfois dans la précipitation et en décalage total avec l'émotion ambiante. Il dénonce l'instrumentalisation politique de la mort d'un jeune homme, appelle au calme et demande qu'on attende les résultats de l'enquête. Pourtant, dans le même temps, il déclare qu'on ne peut pas parler de bavure alors même que l'enquête commence. En face, les critiques contre le gouvernement de Manuel Valls fusent. Cécile Duflot n'hésite pas à demander une minute de silence en hommage à Rémi Fraisse à l'Assemblée nationale. Ma question s'adresse à Madame Ségolène Royal. Après quelques secondes d'introduction, Cécile Duflot change brusquement de registre. Le groupe écologiste souhaite donc consacrer une minute de cette question à une minute de silence pour dire combien nous sommes touchés par la mort de ce jeune manifestant qui ne faisait que défendre la nature. Les élus verts se lèvent. Le président de l'Assemblée intervient. Madame Duflot, il est de tradition dans notre hémicycle de saluer par une minute de silence les décès survenus parmi nos forces armées ou parmi les otages. Donc je vous demande de poursuivre votre question. Cécile Duflot n'en fait rien malgré un deuxième, puis un troisième rappel à l'ordre et enfin une menace. Merci. Je vais devoir vous retirer la parole, Madame Duflot. Madame la ministre. Finalement, la question est posée. Que compte faire Ségolène Royal pour mettre un terme au projet de barrage ? Personne dans notre pays ne pourra, par la violence, interdire la réalisation de travaux et d'équipements qui sont indispensables au développement économique de nos territoires. Ce soir, la recherche d'une solution sur le dossier de Sivens est toujours en suspens. Ségolène Royal, qui a été nommée ministre de l'Environnement quelques mois plus tôt, se retrouve également sous le feu des critiques sur le mode « Pourquoi a-t-on laissé cette situation s'envenimer ?» D'un seul coup, et en quelques jours, la mort tragique de Rémi Fraisse ouvre une crise politique. Alors, quelles sont les circonstances exactes de la mort du manifestant? Qui doit en porter la responsabilité et en assumer les conséquences? Quel est l'avenir du projet de barrage de Sivens? Looking like standing. Le rapport d'experts commandé par le ministère de l'écologie critique fortement le projet de barrage de Sivens dans le Tarn. Besoin surestimé, étude d'impact de qualité très moyenne, financement fragile. Le rapport précise aussi qu'il sera difficile d'arrêter le chantier compte tenu de l'avancement des travaux et des engagements pris avec les agriculteurs. Il préconise alors la mise en place d'un comité de suivi multi-acteurs de la gestion des retenues d'eau de Sivens. Toulouse, Corinne Cutillat, France Inter. Après la mort de Rémi Fraisse, la publication du rapport et ses conclusions provoquent la suspension immédiate des travaux. Et de nombreuses questions surgissent. Comment un rapport si négatif peut-il être établi alors que toutes les autorisations ont été données et que les travaux ont commencé? Eh bien là, on réalise que Delphine Batho, première ministre de l'écologie du gouvernement Hérault, avait refusé, oui, refusé en juin 2013, de donner son autorisation pour le lancement des travaux. Et quelques semaines plus tard, après sa démission, elle était remplacée par Philippe Martin, dont l'une des premières décisions était justement d'autoriser ses travaux. Au sein du collectif de défense, on évoque des suspicions de conflits d'intérêts dans le processus de décision du barrage. On pointe du doigt le fonctionnement de la CACG, la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne. Cet organisme qui peut à la fois déterminer les besoins d'une région et en construire les édifices. En d'autres termes, la compagnie propose des projets en même temps qu'elle les réalise. Son conseil d'administration est composé d'élus qui valident les projets et qui les votent. Les opposants, eux, critiquent notamment Thierry Carcenac, sénateur socialiste, qui depuis le début porte et défend le barrage de Sivens. Quant à la situation du gouvernement, elle devient difficilement tenable. Le voilà confronté aux critiques d'une partie de sa majorité, en l'occurrence les députés verts. Un débat s'ouvre alors entre l'égalité démocratique et légitimité écologique. Pour la plupart des agriculteurs sur place et des élus qui ont voté en faveur des projets de Sivens, le barrage a été décidé en concertation à l'issue d'un vote et donc toute opposition qui vise à l'empêcher est de facto illégale. En face, les membres du collectif testé, certains élus et quelques agriculteurs brandissent la légitimité de leur action. Ils dénoncent l'absence d'études alternatives, défendent l'idée de bien commun, parlent de désobéissance civile. Même la ministre Ségolène Royal reconnaît les problèmes que pose le projet. Il y a eu manifestement une erreur d'appréciation dans les choses. Aujourd'hui, une décision de construction d'un ouvrage tel que celui-ci ne serait plus possible. C'est vrai que depuis début septembre, où il y a eu 50 gendarmes blessés, franchement, ça aurait été dans ma région, il y a longtemps que je vous le savez, il y a longtemps que j'aurais arrêté la situation. Quelques jours plus tard, Ségolène Royal annonce l'annulation du projet de barrage et ouvre une série de réunions entre les différents protagonistes pour trouver une solution. Dans un premier temps, la mort de Rémi Fraisse et la publication du rapport agissent en faveur des opposants. D'ailleurs, sous l'effet de la médiatisation de l'affaire, le site de Sivens et la ZAD accueillent de nombreux militants. Or, ce que le gouvernement voulait à tout prix éviter, c'était de se retrouver justement devant un nouveau Notre-Dame-des-Landes. C'est en train de se réaliser sous les yeux du gouvernement, qui essaie tant bien que mal d'apaiser la situation, mais qui, 3 semaines après la mort de Rémi Fraisse, se retrouve de nouveau sous le feu des critiques lorsqu'une information est publiée par Le Monde et Mediapart. À Sivens, ce 25 octobre, les gendarmes disposent d'une équipe qui filme et enregistre tout ce qui se passe sur le lieu des affrontements. Aujourd'hui, des procès-verbaux révèlent les conversations des militaires au moment du drame. Entre 1h40 et 1h50 du matin, une grenade offensive dite F4 est lancée en l'air. Quelques minutes plus tard, à travers des jumelles de vision nocturne, un gendarme découvre un corps à terre et déclare à 1h53 « Stop pour les F4, il est là-bas le mec. » Ok, pour l'instant, on le laisse. À cet instant, les gendarmes pensent que la grenade offensive a blessé un manifestant. Ils l'écrivent dans leur journal de bord, selon Mediapart. 7 minutes plus tard, ils décident d'aller chercher Rémi Fraisse, lui prodiguent les premiers soins en vain. Quelques minutes plus tard, les militaires veulent éviter que les manifestants apprennent la mort du jeune homme. À 2h03, l'un d'eux s'écrie « Il est décédé, le mec. Là, c'est vachement grave. Faut pas qu'il le sache. » À la mi-novembre, la publication de ces documents prouverait donc que les forces de l'ordre connaissaient dès le départ les causes du décès de Rémi Fraisse. Comment expliquer alors que la préfecture, le gouvernement et le procureur aient autant attendu avant de révéler les circonstances exactes du drame? Au-delà de cette information, l'enquête des journalistes montre que les affrontements au cours de la nuit ne justifiaient pas l'emploi des grenades offensives. Sur ce point, les journalistes soulignent les contradictions entre certains témoignages des gendarmes et l'absence de blessés dans leur rang. En somme, la violence des manifestants n'aurait pas été aussi élevée qu'on l'a dit. Maintenant, qu'en est-il des forces de l'ordre? Là aussi, les témoignages sont troublants. Dans une interview parue quelques jours plus tôt, le préfet du Tarn déclare dans un quotidien régional qu'il n'a donné aucune consigne de sévérité aux forces de l'ordre. Or, le commandant de gendarmerie en charge des opérations ce soir-là justifie, lui, l'emploi des grenades offensives par des consignes de sévérité venant du préfet, justement. Enfin, qu'en est-il du tir de grenade effectué par le gendarme? A-t-il respecté toutes les conditions de sécurité qu'implique l'emploi de cette arme? Et puis surtout, comment se fait-il que ce type de grenade soit utilisé dans le cadre de manifestations? Face à ces questions lourdes de sens, Bernard Cazeneuve se défend. Les PV n'ont jamais été portés à ma connaissance. Ces éléments-là sont couverts par le secret de l'enquête et le secret de l'instruction et n'ont à aucun moment été portés à ma connaissance. Et d'ailleurs, ces éléments-là sont entre les mains du seul procureur qui conduit l'enquête. Et nous, qui n'avons pas communication des éléments de l'enquête parce que nous ne la conduisons pas, nous aurions dû savoir. Ce dont les gendarmes ont rendu compte au préfet, c'est de la mort de Rémi Fraisse. Ils n'ont pas rendu compte des causes de cette mort. Malgré les zones d'ombre, malgré les questions, le 4 décembre, l'enquête de l'inspection générale de la gendarmerie nationale écarte toute faute dans la mort de Rémi Fraisse. Le général Pierre Renaud, en charge de cette enquête interne, s'appuie notamment sur les vidéos prises par les gendarmes au cours des affrontements et qui veulent prouver que l'ensemble des conditions d'utilisation de la grenade ont été respectées, notamment l'usage d'une paire de jumelles et les avertissements préalables au lancer, les sommations en quelque sorte. Peut-être, mais malgré ces mesures, il y a quand même eu une victime. La famille de Rémi Fraisse, qui a porté plainte pour homicide involontaire, attend donc que la procédure civile avance. Pendant ce temps, du côté du barrage de Sivens, le conflit s'enlise. Ségolène Royal a remis tout le monde autour de la table pour trouver une solution, mais les discussions durent sans qu'une synthèse n'émerge. Et sur place, la situation devient critique. Depuis la mort de Rémi Fraisse, les gendarmes ont laissé le site sans surveillance et la ZAD de Sivens a attiré de nouveaux opposants aux profils différents parfois, plus marginaux, éloignés de la simple opposition au projet de barrage. Il en va ainsi des zones à défendre qui, dans leur fonctionnement, impliquent une forme de lutte hétéroclite, horizontale, sans leader et qui regroupe des militants ou opposants venus sur place pour des raisons différentes, parfois même pour un mode de vie alternatif, entre autres. Face à cette situation autour de la ZAD, certains agriculteurs commencent à se plaindre de vols, de destructions et s'organisent. Au mois de décembre 2014, sur place, la question du barrage devient presque secondaire. Pour les agriculteurs et les élus, l'enjeu est désormais de chasser les zadistes. Alors, des affrontements éclatent, les menaces sont de plus en plus violentes et le risque d'une nouvelle tragédie oblige le gouvernement à intervenir. Le 6 mars 2015, alors que les discussions entre pro et anti-barrage ont abouti à l'élaboration d'un nouveau projet, plus petit et à un autre endroit, la ZAD de Sivens est évacuée. L'ordre d'évacuation vient d'être donné. Les gendarmes entrent dans la zone. Une trentaine d'opposants au barrage sont là, accrochés les uns aux autres. Ils sont emmenés, un par un. On lâchera rien, il y a un mirador, il y a des gens sur les miradors, il y a des camions, on s'enferme dans les camions, on bougera pas, ils viendront nous déloger. Au revoir. Quelques mètres plus loin, dans cette ferme, certains se sont réfugiés sur le toit, cernés. Ils sont interpellés. Pourquoi je suis embarqué ? Pourquoi il est embarqué ? Je le suis. La fin de 16 mois d'occupation, le Conseil général du Tarn l'a décidé ce matin. Il vote les propositions. 43 voix contre 3, le projet de barrage est maintenu. Dans une version deux fois plus petite, certes, mais pour les agriculteurs, c'est un soulagement. Je craignais que le Conseil général vote un abandon pur et simple du projet. Aujourd'hui, ce n'est pas ça qui est dit. Il faut changer. Le Conseil général entend qu'il faut changer de projet, mais on va faire quelque chose et on va apporter de l'eau dans la vallée. Les autorités redoutaient des affrontements violents, ils n'ont pas eu lieu. Au total, 21 personnes ont été interpellées. Cinq mois après le décès de Rémi Fraisse, le vote d'un nouveau projet et l'évacuation dans un calme relatif de la zone à défendre concluent pour un temps le conflit de Sivens. Mais cette affaire marque durablement l'histoire des luttes pour l'environnement en France. D'abord, parce que l'occupation des territoires et l'organisation des associations ont permis de repousser le projet initial et d'en dénoncer les limites, mais dans le même temps, la stèle en hommage à Rémi Fraisse sur le site de Sivens nous rappelle que pour en arriver là, il a fallu, un soir d'octobre 2014, qu'un jeune homme meure. Nous, on a compris tout de suite quand même que c'était les gendarmes qui l'avaient tué. Nous, on savait très bien qu'il n'avait pas un cocktail Molotov dans son sac, on savait très bien qu'il avait un sac à dos comme tous les gens qui vont quelque part à l'heure actuelle en vacances et qui prennent un sac pour mettre une bouteille et un pull. Donc nous, on savait très bien que de toute façon, rien ne provenait de lui et qu'effectivement, il avait forcément été tué par des forces de l'ordre. Après, on ne savait pas dans quelle situation. Mais il y a eu à partir de là toute une stratégie pour le faire passer pour un casseur et pour justifier de cette mort. Je me disais que pour arriver à faire le deuil de cet enfant que nous avons tant aimé et dont son nom est utilisé par tout le monde, pour tout, pour rien, il allait falloir finalement faire le deuil de ce prénom et de ce nom qui ne nous appartiennent plus. By the righteous hand, taking care of everyone like they were on a piece of land. Show me. Show me. world are free to stand up for themselves. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la mort de Rémi Fraisse sur le chantier du barrage de Sivens. Notre invité, Philippe Subra, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut français de géopolitique, membre du comité de rédaction de la revue Hérodote et auteur de Géopolitique locale, publié en 2016 aux éditions Armand Collin. Si les auditeurs se disent, mais qu'est-ce que la géopolitique vient faire là-dedans? On va leur expliquer. Alors, on l'a vu au cours du récit, lorsque surgit dramatiquement ce conflit de Sivens, le gouvernement craint à nouveau Notre-Dame-des-Landes. Forcément, première ZAD contemporaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ce qu'est une ZAD, hein, déjà le nom? Alors, c'est le détournement d'un cycle, un acronyme, qui veut dire zone à défendre. Mais qu'est-ce qu'on défend à travers une ZAD, c'est quoi l'esprit d'une ZAD? L'esprit d'une ZAD, ben, ce qui est important à mon avis plus que l'esprit, c'est le mode opératoire et c'est les acteurs. C'est-à-dire que l'apparition des ZAD à partir de 2007-2009 à Notre-Dame-des-Landes marque un double changement. Le mode opératoire, c'est l'occupation permanente, jour et nuit, pendant des mois, jusqu'à ce que le projet soit abandonné ou que la ZAD soit évacuée, ce qui est tout à fait nouveau. Et les acteurs, c'est des militants altermondialistes qui jusque-là ne s'intéressaient pas tellement aux questions d'aménagement du territoire ou d'environnement. Alors ça, c'est... Le temps est leur allié, c'est ça. Le temps, en tout cas leur mode opératoire, c'est le temps. Oui, je pense que le fait que le conflit dure, même si la victoire est toujours appréciable parce qu'elle montre que l'État et les multinationales peuvent reculer... La preuve. Alors à Notre-Dame-des-Landes, c'est pas du tout encore acquis. La victoire est intéressante, mais la poursuite de combat est aussi intéressante pour les zadistes, puisque ils se battent en fait pour un combat qui est beaucoup plus large, qui est planétaire, La mondialisation générale. Est-ce que la mondialisation a créé de nouveaux besoins de repères locaux, de repères forts et locaux, les deux en même temps? Certainement. Je pense qu'il y a aussi une mutation du mouvement altermondialiste à travers l'apparition des ZAD. Mouvement qui était sur d'autres thématiques, par exemple l'inégalité des échanges nord-sud ou les questions de la dette, et qui était sur d'autres modes d'action et d'autres territoires, c'est-à-dire des manifestations lors des sommets du G8, du G20, de l'OTAN, dans les rues des grandes métropoles. Et là, pour la première fois, en 2009, les altermondialistes s'investissent sur des questions nouvelles, l'aménagement du territoire, l'environnement, la défense des zones humides, par exemple, qui les préoccupait pas auparavant, sur des territoires nouveaux, le rural, dans une autre temporalité, c'est-à-dire des conflits très longs et pas des manifestations de quelques heures ou de quelques jours, avec des problèmes stratégiques nouveaux, parce qu'il faut travailler avec des opposants locaux, traditionnels, des habitants, des riverains, des élus ruraux, des militants écologistes, et ça pose toute une série de problèmes. Et selon les territoires, selon les ZAD, ces problèmes ont été résolus ou pas. C'est-à-dire, dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, zadistes et opposants traditionnels ont été capables de monter et de faire vivre une alliance stratégique qui ne nie pas leurs différences d'objectifs, de méthodes, etc., mais qui est basée sur la complémentarité. Et à l'inverse, à Sivens et à Roibon, où il y a un projet de Center Park et aussi une ZAD, eh bien, cette alliance fonctionne beaucoup moins bien parce qu'une partie de la population est pour le projet. Est-ce que ça pose des problèmes précisément aux forces de l'ordre dans la façon de maintenir l'ordre, précisément parce que il y a la configuration classique, une manifestation dans la rue, des CRS, bon, chacun est rompu un peu à cet exercice, si j'ose dire. Là, est-ce que ça pose des problèmes particuliers? Alors, le terrain joue un rôle important, c'est-à-dire que les ZAD qui résistent bien sont les ZAD qui s'appuient sur un terrain au sens militaire du terme, qui est difficile pour les forces de l'ordre et qui est facilitateur pour la défense de la ZAD, c'est-à-dire un espace boisé, de bocage, avec du relief. C'est pour ça d'ailleurs qu'on trouve assez peu de ZAD dans des zones de champs ouverts, parce que la visibilité pour les forces de l'ordre est totale et leur intervention est simple. À Notre-Dame-des-Landes, il y a des tas de petites routes difficiles à couper, le territoire est grand, 1600 hectares, c'est 3 arrondissements parisiens moyens. C'est difficile à tenir, c'est difficile à investir. Et surtout, une fois que l'opération d'évacuation est réussie, dans le cas où elle est réussie, eh bien, il y a le risque de la réoccupation. Ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, quelques semaines après l'opération César, qui avait mobilisé des centaines de membres des forces de l'ordre, deux hélicoptères. Et il y a une réoccupation, et cette réoccupation, elle renforce encore la ZAD. Donc, du point de vue des techniques de maintien de l'ordre, c'est une question qui est difficile. Est-ce qu'il y a une disproportion apparente, en tout cas, entre les moyens mis en place par le gouvernement, le préfet, les forces de l'ordre, et puis finalement le sujet auquel qu'elles ont à faire face? Et peut-être que la mort de Rémi Fraisse vient aussi de ce déséquilibre incroyable. Alors, je ne sais pas s'il y a un déséquilibre en termes d'effectifs. Il y a un problème dans le cas de Sivens et de la mort de Rémi Fraisse qui est évident, c'est l'usage d'une arme. Qui n'aurait pas dû être utilisé dans ce type de circonstances et qui provoque ce scandale, je dirais, inouï, qui est la mort d'un jeune homme. Et il faut rappeler qu'en France, les morts de manifestants, c'est vraiment un événement rarissime. Mai 68, c'est 3 à 5 morts. Les émeutes urbaines de 2005, c'est 3 morts. Et en plus, toutes ces morts ne sont pas imputables aux forces de l'ordre. Donc c'est très très rare. Dans le domaine de l'environnement, il y a deux exemples. Il y a Vital Michalon à Cresmalville en 1977 et il y a un autre militant anti-nucléaire qui s'était enchaîné au rail d'une voie ferrée où devait passer un convoi de déchets. C'est donc extrêmement rare et donc c'est extrêmement choquant pour la population et l'opinion publique. Et ça a une grande importance parce que ça explique qu'à Sivens, il y a basculement de l'opinion publique. Je reviens toutefois, avant qu'on écoute le reportage d'Adèle Verzo pour établir un constat sur place aujourd'hui, je reviens quand même sur l'esprit des ZAD. Je dis, bon, c'est d'abord une question de mode opératoire avant d'être une question d'esprit. Mais enfin, que ce soit Notre-Dame-des-Landes ou cette affaire-là, moi ça me rappelle quand même ce qui s'est passé il y a 40 ans sur le Larzac. Vous vous souvenez? Oui, bien sûr. Et je trouve qu'il y a une résonance très forte. Est-ce qu'on peut faire est-ce que vous faites ce lien aussi, vous? Parce que finalement, il y a une esquisse, c'est pas tout à fait nouveau. Il y a eu cette esquisse-là. Il y a une résonance, et notamment des agriculteurs qui défendent leurs terres contre un projet de l'État. Absolument. Il y a en même temps une différence importante. Par exemple, le Larzac était une lutte ouvertement non violente, ce qui n'est pas le cas des ZAD. La violence a un rôle dans la stratégie des ZADistes. Ça ne veut pas dire qu'ils ont voulu la mort de Rémi Fraisse, mais ça veut dire que, d'une certaine façon, leur cause en a, dans un premier temps, profité. Oui. Parce que la mort a fait basculer le rapport de force. Bon. Et puis il y a une autre différence, c'est le rôle des zadistes dans la lutte. Les paysans du Larzac ont toujours conservé le contrôle de leur lutte, avec tous les soutiens extérieurs qu'ils avaient. C'était simplement des soutiens. Les zadistes sont des acteurs à part entière de la lutte de Notre-Dame-des-Landes ou de Sivens, avec leur autonomie d'action et leur propre agenda. Merci Philippe Subra, on va se tourner vers Annelle Verzo maintenant. Bonjour. Bonjour. Alors vous étiez donc à Sivens il y a quelques jours, et là vous avez rencontré des agriculteurs qui continuent, on peut le dire, de résister sur place. Oui, alors ils sont pas très nombreux ces agriculteurs, en fait ils sont deux. On a Pierre Lacoste qui vit vraiment tout à côté de la zone humide et Bruno Anglade qui vient un peu plus loin. Alors on était avec eux et aussi avec Ben Lefettet, un des porte-parole du collectif de sauvegarde de la zone humide du Testé. Oui, qui a été évoqué plusieurs fois dans le récit. Vous êtes retourné donc dans cette zone humide. Que reste-t-il de la ZAD? Il y a toujours des hélicoptères qui survolent la zone? Non, quand même non, pas. Non, les hélicoptères c'est fini, il n'y en a plus. Mmh. On a entendu dans le récit donc que la ZAD avait été démantelée. Pas de tir de grenade non plus. Donc même la stèle en hommage à Rémi Fraisse a été démontée. Alors on ne sait pas exactement par qui, très vraisemblablement par des pro-barrages. Sur place, il y a presque personne, une ambiance assez étrange, un conflit larvé que je vous laisse découvrir. Bien, découvrons. On se trouve au milieu de nulle part. Hein. On a du mal à imaginer qu'ici, il y avait une ZAD. Là, il y avait une maison en pierre, ici. Là, oui, une maison en pierre, une ancienne ferme, d'autrefois, avec son four à pain, toutes les dépendances attenantes, comme une ferme de pays, quoi. Tout a été rasé. Rasé, enlevé, parce qu'on voit même pas, il n'y a pas de tas de déchets. C'est-à-dire que ça, c'est parti encore en déchetterie, quoi. Il y a une voiture qui passe, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Non, c'est pas les amis. C'est pas... Non. Ah bon? Ils sont arrêtés là-bas en plus. Non. C'est pas les amis. Ouais. Ah d'accord, parce qu'alors là, il y a une voiture qui est passée à l'instant. Voilà, il y avait 4 personnes dedans, 4 hommes. Ils étaient là pour venir voir qui c'est qu'il y avait sur place. Là, c'était pas des gendarmes. Hein. Là, c'était pas des gendarmes, non, ce sont plutôt. Les pro-barrages. Voilà, plutôt. Ouais. Mm. Pour eux, c'est chez eux. Ouais. Mais c'est fou parce que là, on est 4 personnes au bord d'une route absolument vide. Ah, un cycliste. Ah ben c'est la chasse à courre maintenant. Ah, il y a une chasse à courre, non, d'accord. Non, c'est interdit ici la chasse à courre. Ah bon? Il n'y en a pas ici. Bah, il y a un corps. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Faites la chasse à courre? Oui. Oui, on est sur un territoire où il y a beaucoup de chevaux. Parle pas. Et comme c'est facile, c'est un de mes plus proches voisins. Ah, voilà. C'est un de vos voisins. Voilà, oui. En vélo, là, c'est un de vos voisins. Et il vient de demander au gars qui est à cheval, qui fait la chasse à cour, de ne pas nous parler. Vous voyez l'animosité que ça a créé dans le coin. Là, ils sont en plein rallye, mais il va y avoir du monde dans un moment. Bon, madame Blondin, il va y avoir du monde sur place. Merci, merci, merci. Là, ça va tourner, mon bon. Parce que je... Mais parce qu'on dérange, parce que bon, pour eux, on n'a pas le droit d'être là. Voilà, c'est tout. C'est... Non, mais déjà, vous n'auriez pas été là. C'est sûr que les quatre qui sont passés en voiture, ils se sont arrêtés. Ils n'auraient pas eu de micro, ils se sont arrêtés. Pour vous dire quoi? Pour faire avoir leur présence, pour montrer les muscles et pour dire, bon, dégagez, et puis c'est tout, quoi. Ça, c'est arrivé à d'autres, quoi. C'est tout. C'est comme ça. Et en venant à Sivens, je me suis posé une question que j'en suis sûre vous devez vous poser aussi. C'est pourquoi le gouvernement, les élus locaux et la CACG, donc la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, qui était donc le maître d'œuvre du barrage de Sivens, pourquoi se sont-ils autant entêtés à construire ce barrage? Alors pour Ben Le Fété, cet opposant au barrage qui a beaucoup travaillé sur le dossier, c'est très clair, c'est en bonne partie à cause de la consanguinité prononcée dans la région. Vous voulez dire qu'on retrouve les mêmes personnes au Conseil Général, au Conseil d'administration de la CACG, à la commission qui vote les subventions, à la FNSEA en quelque sorte. Bien, confirmation. Alors, il y a une question quand même qu'on a envie de vous poser, c'est pourquoi un tel entêtement d'après vous de la part de la CACG et des élus? Disons que c'était gagnant-gagnant. La CACG avait son propre intérêt financier. La FNSEA voulait ce type de barrage pour avoir plus d'eau pour l'irrigation, parce que ce barrage de Sivens, c'était le premier d'une longue série. Ce qu'on a pu, nous, démontrer, quand on avait fouillé les dossiers, c'est qu'il y avait des administrateurs de cette compagnie, la CACG, qui se retrouvaient aussi à être très bien impliqués dans l'agence de l'eau, qui donnait les subventions, et qui se retrouvaient à être impliqués donc dans les conseils généraux, qui eux aussi finançaient ou réclamaient ce projet de barrage. C'est ce qui fait qu'on se retrouve avec des administrateurs de la CACG, qui se retrouve à voter des subventions de l'agence de l'eau pour la CACG. C'est-à-dire que quelqu'un, dans une instance de décision de subvention d'argent public, se retrouve à s'accorder à lui-même ou à ce qu'il représente, la compagnie qu'il représente, des subventions publiques. On a par exemple André Cabot, qui est un socialiste, qui est vice-président de la CACG, vice-président du Conseil général du Tarn et vice-président de la commission qui a examiné les subventions, 50% des subventions pour le barrage. André Cabot, dont vous parlez, se retrouvait effectivement à être dans 4 ou 5 instances différentes. Et donc, on voit bien que tout ce petit milieu-là, c'était un projet avec beaucoup d'arrangements entre amis. Et puis, au bénéfice d'une petite minorité d'agriculteurs proches de la FNSEA ou adhérents à la FNSEA. D'ailleurs, dans le conseil d'administration de la CACG, on trouve aussi des personnes qui sont à la FNSEA. Oui, alors la CACG, parmi ses administrateurs, a des représentants de toutes les chambres d'agriculture de la région et qui sont toutes dirigées par la FNSEA. Et donc, c'est tout ça, ce sont effectivement des petits arrangements entre la FNSEA, des élus locaux, des ministres ou proches de ministres qui se retrouvent à utiliser l'argent public au profit d'intérêts très privés et d'une minorité effectivement de la population, quoi. Là, il y a des monde qui a vu. Ça, c'est mon voisin le bulgare. Bonjour, monsieur. Voilà. Il y a un défilé de voitures là tout d'un coup. De sa cachette là-bas en haut avec son vélo. 1, 2, 3, 4 voitures. Bah, ils viennent pas, ils viennent pour la chasse à cour hein, quand même, je pense, au départ. Non, ah, bon, c'est garanti. Non, non, non, non, ils viennent pas pour la chasse à cour. Non. Même celui qui est à côté de la voiture blanche, là, c'est mon plus proche voisin. Lui, il n'est même pas en tenue de chasse, rien du tout. C'est pas du tout pour la chasse à cour. C'est juste pour faire voir que voilà, ils sont là. Quoi. Ils veillent. Ouais, pourquoi? T'as quelque chose hein? C'est le voisin là qui est sur son vélo et qui vient de dire provocation. Ah, il prend notre présence ici comme de la provocation. Comme une provocation, voilà. Et il nous guette, votre voisin là, il est en train de nous guetter sur son vélo, il est avec ses... Oui. Mais vous savez, je vous dis qu'ils allaient appeler du monde et qu'il y avait du monde qui allait arriver, vous voyez. Oui. Il y a du monde qui arrive, c'est vous. Ah oui. Donc ils viennent là plusieurs vous faire voir, voilà, moi je suis là et toi on va t'emmerder et puis c'est tout, on va passer chez toi, parce qu'elle est passée chez moi. Et on va t'embêter et on fera ce qu'on voudra. Et donc au bout d'un moment, tu craques. Hein, et... J'ai failli craquer. Quoi. Non, ils repartent pas. Hein. Je pensais qu'ils étaient repartis, mais lui il reste sur son vélo. Philippe Subra, que vous inspire cet état des lieux? Car c'est un état des lieux, 3 ans après le drame. D'abord qu'il y a eu de manière absolument évidente un certain nombre de dysfonctionnements dans le processus de décision. Il y a eu une surévaluation des besoins d'irrigation qui correspondent à un vieux modèle agricole qui est aujourd'hui dépassé, qui sont contraires d'ailleurs à la politique européenne en la matière. Et d'ailleurs, les subventions européennes étaient conditionnées à l'absence de l'augmentation des surfaces irriguées. La concertation a été quasi inexistante. Et ce qui a joué, en fait, c'est le fonctionnement de réseaux de pouvoir au niveau local. C'est pour ça que ça a du sens de parler de géopolitique locale. On va y venir. Entre des acteurs qui sont des élus, qui ont de multiples casquettes, qui travaillent toujours ensemble. Et je pense que c'est un fonctionnement qui est de moins en moins supportable par les citoyens. Y a-t-il, selon vous, conflit d'intérêts ? Alors, il n'y a pas conflit d'intérêts au sens peut-être le plus étroit du terme, c'est-à-dire personne ne peut affirmer, enfin pas que je sache, que les décideurs aient bénéficié dans leurs intérêts particuliers de la décision. Mais par contre, il y a convergence pour aller dans un certain sens, une certaine décision de responsabilité qui aurait dû être détenue par des personnes différentes, de manière à ce que les arguments soient croisés. Or là, c'est les mêmes qui ont décidé à différents moments, à différents endroits, l'avancement d'un projet. Et ça explique certainement en partie la cristallisation du conflit, sa dureté. Alors qui n'est pas la cause de la mort de Rémi Fraisse, mais qui est la cause des affrontements, par exemple, en partie. Et donc c'est cette proximité, le fait que les gens se connaissent, qui peut aboutir à ça dans nos provinces, dans nos régions, comme on dit. C'est pas forcément le fait que les gens se connaissent, c'est assez normal. Je vois pas comment ils pourraient pas ne pas se connaître. Non, mais ça c'est le constat. Mais c'est le fait que c'est des gens qui se connaissent, qui sont les seuls et qui pensent tous pareil et qui sont les seuls à décider. Et je pense que la mécanique aurait pu être enrayée s'il y avait eu d'autres intervenants, soit au niveau de l'État. Hein, c'est peut-être aussi un des effets pervers de la décentralisation, de donner tant de pouvoir aux élus locaux. Soit du côté des associations ou de l'Europe, hein, parlons un peu de l'Europe et de son côté régulateur, bienfaisant, qui aurait pu empêcher qu'une décision très contestable soit prise et donc que ça finisse par un drame épouvantable. Oui, il nous reste 2 minutes pour essayer de dessiner les contours de cette discipline qui s'appelle géopolitique locale. C'est une discipline officielle, géopolitique locale, où on a mis ce terme-là parce que c'est justifié. Non, vous êtes devant un pionnier. Ah, bon. Non, je pense que de plus en plus d'acteurs et de plus en plus d'universitaires ou de chercheurs ont tendance à raisonner de cette façon-là. C'est l'idée, en fait, que si on veut comprendre les politiques d'aménagement, les décisions qui sont vraiment prises, c'est pas le fait qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est le fait qu'elles soient portées par des intérêts et que les rapports de force entre certains acteurs aboutissent à une décision. Et ça s'accompagne d'une analyse de la crise d'une notion extrêmement importante qui est celle d'intérêt général, qui aujourd'hui est vue de manière complètement différente par des acteurs différents dans l'opinion, parmi les associatifs, les partis politiques, les élus. Ça montre aussi que la France, pays jacobin, a un rapport assez particulier avec la décentralisation. On a une volonté de décentralisation, elle n'est pas suspecte celle-là. Mais en même temps, on voit que les moyens accordés, notamment aux régions, on dit aux régions, il faut que vous soyez le booster de l'économie. Quand on voit la part de recettes fiscales données aux régions par ce qui a remplacé la taxe professionnelle, on s'aperçoit que c'est que 22%. Alors que les communes, surtout les communes, ramassent le plus gros du morceau, et puis les départements aussi. Est-ce qu'on a un rapport avec la décentralisation en vertu de notre culture politique, un rapport un peu schizophrène ? Ben je pense surtout que la décentralisation n'est pas la panacée. C'est-à-dire le fait de transférer des pouvoirs ne veut pas dire que des problèmes qu'on a rencontrés au niveau central, on ne les rencontrera pas au niveau local, et que forcément les bonnes décisions seront prises. Philippe Subra, je vous remercie. Je rappelle donc le titre de votre livre, s'appelle Géopolitique locale. C'était publié l'an dernier aux éditions Armand Collin. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la mort de Rémi Fraisse, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, la fiction, elle sera consacrée à Jean-Yann sous le titre qui va vous rappeler quelque chose. Il est beau, il est gentil.